que c'est triste à le dire, mais c'est un fait. Il est né à New York, c'est pas très original. Donald Trump, c'est pour tous du sexe anal. Il est toujours prêt pour les affaires boursières avec ses bons copains. Il n'a peur de rien sauf des fake news en lien. Il aime le fric, surtout quand il y en a plein. Donald Trump, c'est l'Amérique. C'est triste à le dire, mais c'est un fait. Il est né à New York, c'est pas très original. Donald Trump, c'est pour tous du sexe anal. Donald Trump, c'est l'Amérique. C'est des rednecks et des gens friqués. Il se fout de ce qui arrivera à nos forêts, à la mer et à l'air à respirer. Il a dans ses poches plein de liasses de billets pour payer sa bonne femme. Il est le président des États-Unis et il le retweet toujours pour ses amis. Donald Trump, c'est l'Amérique, celle des rednecks et des gens friqués. Il est né à New York, c'est pas très original. Donald Trump, c'est pour tous du sexe anal. Il est né à New York, c'est pas très original. Donald Trump, c'est pour tous du sexe anal.